19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Leurs tombeaux aux gigantesques façades creusées dans le grès rose ont fait le tour du monde. Et pourtant, que sait-on de leurs bâtisseurs, de ce royaume entre Damas et le Hedjaz, de ces villes avant leur annexion par Trajan et Rome en 106 de notre ère? Au cœur de l'Arabie pétrée, les Nabatéens restent en grande partie à découvrir, leur passé à exhumer, et mon invité, archéologue et épigraphiste, s'y emploie avec science. Elle explore et fouille désormais l'antique cité de Hégra, médaille salée aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. Leïla Némé, bonjour. Bonjour. Directrice de recherche au CNRS, Grand Prix Cino del Duca de l'Académie. Après Petra en Jordanie, vous co-dirigez des fouilles franco-saoudiennes de Hégra. Petra ou Hégra sont des cités englouties dans le roc ou le sable. Pourquoi les Nabatéens ont-ils édifié leur ville dans des endroits aussi invraisemblables? Je pense qu'une partie de la réponse se trouve dans la question, c'est-à-dire dans le roc et dans le sable. En fait, ce qui est important quand on s'installe quelque part, c'est d'avoir des conditions minimales de sécurité et d'approvisionnement en eau. Elles étaient différentes à Petra et Hégra, qui sont distantes de 500 km, mais à Petra, ils avaient les deux facilement. Petra est un site qui est dans une cuvette, dans un amphithéâtre naturel, et donc qui est naturellement protégé. Quiconque aurait voulu attaquer Petra devait d'abord traverser les montagnes. Donc ça, c'est une première chose. Ils avaient aussi de l'eau, puisque comme on est dans des rochers, tout le ruissellement, toute l'eau de pluie qui ruisselle le long des rochers, eh bien, elle descend dans ce bassin et elle peut être collectée dans des citernes qui donnaient de l'eau tout au long de l'année. C'est pour ça, d'ailleurs, que Petra sera leur capitale, la capitale des Nabatéens? Pas seulement. C'est peut-être une des raisons, mais aussi parce que Petra était plus centrale. On est dans le cœur névralgique du royaume nabatéen. On est dans la région qui porte le nom d'Édom, dans le cœur de la Jordanie centrale sud, et donc plus au milieu de leur royaume que ne l'est Hégra, qui est à la frontière du royaume nabatéen. Ah, Petra, dans un cadre majestueux, il nous faut emprunter un étroit défilé, le Sikh, pour déboucher sur un mausolée vertigineux. Rien ne le laisse présumer. Le choc est absolument assuré. Nous voici devant les Nabatéens. Une vraie mise en scène, Leïla Némé. Absolument, une mise en scène théâtrale. Pourquoi? Parce que ce qui compte pour les riches Nabatéens, hein, parce qu'il faut bien imaginer, il faut bien savoir que les Nabatéens qui avaient les moyens de se faire tailler des tombeaux dans le rocher comme ceux que l'on peut voir à Hégra et à Petra, c'était les plus riches. Et quand on est riche, qu'est-ce qu'on veut? C'est se montrer, c'est faire construire ou tailler des monuments qui peuvent être vus de partout. C'est le cas à Petra, où la Khazne, donc le monument principal au bout du cycle, il est vraiment mis en scène, mais c'est le cas de tous les autres tombeaux. Il y en a 600 à Petra. Les emplacements étaient d'autant plus chers que les tombeaux étaient visibles de la ville. Ce côté ostentatoire est extrêmement important pour les Nabatéens. Et à Hégra, c'est la même chose. Les grands mausolées font face à la ville. Absolument. Ils devaient tous être vus de la ville. Ils étaient d'autant plus visibles que le rocher avait été largement excavé. Un tombeau qui est beaucoup trop en retrait sur la façade rocheuse ne se voit pas de loin. En revanche, si on écarte, si on le met dans un écrin relativement large, il va être d'autant plus visible depuis les quelques centaines de mètres, voire un ou deux kilomètres qu'il éloigne de la ville. Il y a environ 600 tombeaux à façade à Petra, un peu moins bien sûr à Hégra, il y en a 86. Comment ont-ils été construits de haut en bas et est-ce qu'ils sont construits de la même manière à Petra et à Hégra? Mais il y a quelque chose d'antinomique dans la question, ils ne sont pas construits justement puisqu'ils sont taillés. Donc construits, on construit forcément de bas en haut. En revanche, quand on taille un monument rupestre, on va a priori le tailler de haut en bas. Et le taille de haut en bas, pourquoi? Eh bien parce qu'il ne fonctionne sans échafaudage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout penser que les Nabatéens taillaient d'abord une façade de rocher verticale et complètement verticale sur laquelle ils sculptaient les façades, mais Au contraire, il descendait tranche par tranche, d'1m30, 1m40 de haut, et terminait absolument tous les détails de la façade, dans les moindres détails, avant de descendre à la tranche suivante. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a des monuments inachevés, eh bien, ils sont inachevés, certes, mais complètement achevés pour la partie qui a été réalisée. C'est le cas à Aigrat, ce qui est très intéressant, bien sûr, pour les architectes. Oui, à Aigrat, on a, je dirais, peut-être 20 ou 30% de tombeaux qui sont restés inachevés pour des raisons qui sont parfois nous échappent, mais qui, dans certains cas, peuvent s'expliquer par des raisons techniques. C'est-à-dire que le rocher en surface ne reflète pas nécessairement la qualité du rocher à l'intérieur. Et donc, les tailleurs de pierre ne pouvaient pas toujours savoir à l'avance quelle serait la qualité du rocher quand ils arriveraient au niveau de la façade. Ce qui explique l'abandon de certaines façades quand ils tombent sur des veines qui ne sont pas correctes ou des diaclases, des fractures qui ne permettent pas de tailler des éléments très finement. Un des membres de votre mission, tailleur de pierre, a même retrouvé un outil. Oui, absolument. On ne trouve que ce que l'on connaît. On ne trouve que ce que l'on cherche. Il arrive très fréquemment en archéologie, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, que les découvertes les plus belles, sont faites par les personnes qui devaient les faire. Et Jean-Claude Bessac a effectivement, un jour, dans ce qu'on appelle le tombeau inachevé de Petra, buté contre un objet qui était un petit peu enfoui dans le sable. Et personne, depuis 2000 ans, n'était monté dans cet endroit qui est quasiment inaccessible. Et donc, Jean-Claude, qui était intéressé par justement tous ces monuments inachevés, parce qu'ils apportent des renseignements que seuls eux peuvent apporter sur les étapes du façonnage des façades d'une part et des intérieurs de tombeaux d'autre part, mais seul lui pouvait tomber dessus. Et cet outil, pour la petite histoire, c'est un outil qui avait été oublié, sans doute, par un tailleur de pierre lorsqu'il a quitté le chantier de ce tombeau inachevé, mais ça devait être un outil de rechange. Parce que le grès est une roche qui est extrêmement abrasive et qui use des outils. Donc il faut imaginer que les tailleurs de pierre avaient constamment deux outils sous la main, un dont ils se servaient et un qu'ils mettaient de côté. Et en partant, celui-là a oublié le sien. Leïla Némé, la monumentalité des grands tombeaux n'a-t-elle pas occulté le reste des vestiges nabatéens ? Bien sûr. Quand on a une architecture qui est conservée en deux dimensions, puisque la troisième dimension manque, que tous les éléments sont présents, ça occulte forcément tout le reste. Mais heureusement, depuis le développement des fouilles archéologiques à Petra à la fin des années 1920 et depuis une quinzaine d'années maintenant à Aigrat, on s'intéresse à ce qui n'est pas ostentatoire, justement. Nous, les archéologues, nous intéressons à tout. Pas seulement les tombeaux, pas seulement ce qui peuvent, le côté monumental, mais justement la ville, c'est-à-dire là où les personnes, où les habitants qui se faisaient inhumer dans les tombeaux habitaient. Et on a ces villes, on l'a à Petra, et on l'a avec, je dirais, plus de difficultés à Aigrat, parce que c'est une architecture qui est en briques crues, contrairement à celle de Petra qui est en pierre. Donc c'est une architecture qui a beaucoup plus souffert et qu'il est beaucoup plus difficile de fouiller. Qui sont les Nabatéens ? Un peuple de chameliers ? Alors, je pense que chamelier est un petit peu réducteur, parce qu'un chamelier, c'est quelqu'un qui conduit un chameau ou un dromadaire, on ne va pas rentrer dans le débat dromadaire-chameau, on a une représentation de chamelier à Petra qui est taillée plus grande que nature, précisément dans le cycle, le fameux défilé qui aboutit jusque à la Khazneh, ce grand tombeau. Donc chamelier un peu réducteur, plutôt caravanier, peuple de caravaniers. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient engagés depuis la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ dans ce grand commerce transarabique dont se font écho les sources littéraires. Grand commerce caravanier qui acheminait depuis les hautes terres du Yémen, la myrrhe, l'encens, d'autres aromates venant de plus loin et qui les faisait remonter, alors eux ou via d'autres intermédiaires que les Nabatéens, vers justement leur station caravanière principale, Aigrat sur leur chemin en premier lieu, puis Aigrat, puis Gaza, qui dans l'Antiquité était un grand port. Jusqu'à Rome ? Oui, les Nabatéens sont allés jusqu'à Rome, ils avaient des comptoirs commerciaux, notamment à Pouzzole, à côté de Naples, mais n'étaient pas très présents quand même. On a simplement des graffitis qui montrent qu'ils étaient présents dans ces régions-là. Quand les archéologues perçoivent-ils l'émergence de cette société ? Les archéologues, c'est plus compliqué que par les textes. Les textes nous disent que les Nabatéens, dès la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ, précisément 312, c'est relaté par l'historien grec Diodore de Sicile, sont présents à Petra et sont déjà parmi les plus riches des tribus arabes. Les plus riches justement parce qu'ils sont engagés dans ce grand commerce caravanier comme intermédiaires obligés. En revanche, l'archéologie, elle va apporter des éléments qui sont moins précisément datés, mais on sait qu'ils sont installés à Petra au 3e siècle avant Jésus-Christ. À Aigra, ils y arrivent plus tard, dans un mouvement vers le sud. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 500 km entre les deux. Et donc il y a un mouvement des Nabatéens de Petra vers le sud, pour des raisons qui sont, à mon avis, également liées au développement des voies maritimes par la mer Rouge. Donc la création de Aigra, l'installation de Aigra par les Nabatéens au 1er siècle avant Jésus-Christ, est sans doute à mettre en rapport avec le fait que le commerce par voie maritime se développe et que les Nabatéens ont besoin d'un lieu de rupture de charge qui ne soit pas trop loin des ports principaux utilisés à cette époque-là. Que sait-on sur ces ports de mer Rouge ? Alors malheureusement, on ne sait pas grand-chose. Il y en a un qui s'appelle le Quai Comé, c'est-à-dire le village blanc. Et bon, les archéologues, les historiens phosphorent beaucoup sur la localisation de ce port. Je pense personnellement qu'il a des chances de se trouver à la latitude de d'Al-Wajr, qui est en droite ligne vers l'ouest de Aigra, sur la mer Rouge. Et on le cherche. On espère bien le trouver un jour. Aigra est un véritable projet politique. On décide de créer une ville, allez, disons-le, une sorte de ville neuve ou pas du tout ? Alors, Aigra est occupé. Il y a une petite agglomération avant l'arrivée des Nabatéens. Mais il est certain qu'il y a une impulsion importante qui est donnée au début du règne du roi le plus prospère et du règne le plus long des Nabatéens, qui est le règne d'Arétas IV, à l'extrême fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. On le voit notamment parce qu'il y a une manière ostentatoire de s'installer et puis parce que dans les inscriptions du site, la plupart des personnes qui mentionnent leur profession sont des militaires ou des officiers civils de haut rang, des militaires, des gouverneurs, des militaires, soit général de cavalerie, bon, il y en a plusieurs qui sont mentionnés. Donc il y a une volonté réelle de s'installer. Et les noms des personnes qu'on retrouve dans les inscriptions sont des noms typiquement nabatéens. C'est-à-dire qu'ils sont, par exemple, formés sur des noms composés où il y a le nom du roi qui apparaît. Donc ce sont des noms typiquement nabatéens. On a une population nabatéenne qui vient s'installer à Aigra. Villeneuve, c'est peut-être un petit peu trop connoté par rapport à notre idée de la Villeneuve moderne, mais en tout cas, c'est certainement une création, oui. L'Arabie est une terre de nomadisme, de tribus, ou du moins on se l'imagine un peu comme ça. Avec les Nabatéens, nous voici aussi devant un vrai phénomène urbain. C'est peut-être une différence, une spécificité ? Les Nabatéens ont dû rester les deux. Il y a une partie de la population qui, je pense, sans parler de nomadisme, a dû continuer d'être des pasteurs, c'est-à-dire qu'ils avaient simplement étaient des bergers dans des troupeaux dans la steppe. Phénomène urbain, oui. Et ce qui caractérise le phénomène urbain, à mon avis, c'est la distinction des fonctions dans la cité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dans une ville des quartiers ou des zones qui sont réservées, par exemple, au phénomène civil ou civique, aux religieux ou aux funéraires. C'est-à-dire qu'on a des fonctions distinctes et ces fonctions distinctes créent la ville. Et ce phénomène-là, on y assiste bien à Aigra et à Petra. Que sait-on d'ailleurs sur cet urbanisme tant à Petra ou à Aigra ? Vous, par exemple, vous avez fouillé un bout de la ville de Aigra ? Oui, on en fouille des bouts, on fouille une aiguille dans une botte de foin parce que le site urbain de Aigra fait 50 hectares. Et c'est une architecture en briques crues ou très difficile à fouiller, donc très longue à fouiller. Donc on fouille des zones, comme tous les archéologues, de 10-15 mètres sur 15 mètres, mais on a quand même une idée de l'urbanisme. Et c'est un urbanisme qui n'est pas ce qu'on appelle hippodaméen, hein, que ce ne sont pas des rues qui se croisent à angle droit, mais c'est un urbanisme oriental, avec des ruelles, des maisons de chaque côté, des maisons avec des passages couverts entre elles sans doute, des toits en terrasse, des activités sur le toit, des escaliers, des cours intérieurs. Donc un urbanisme oriental dont les modèles les plus proches, je dirais, sont les petits villages de la fin du 19e et du début du 20e siècle en Arabie proprement dite. Il en est de même à Petra ? À Petra, l'architecture est mixte. Elle est à la fois construite en maçonnerie dans le centre urbain, c'est-à-dire qu'il y a des maisons qui, elles, sont assez grandes. Ce sont des grandes maisons, les maisons qui ont été fouillées sur les collines au sud du Kasr el-Bint, le grand temple du centre-ville, sont des maisons avec des peintures pompéiennes. On a des maisons de notables. Mais il y a, à côté de cette architecture maçonnée, il y a une architecture domestique rupestre à Petra, qu'il n'y a pas à Aigra. Et cette architecture rupestre domestique, elle forme un urbanisme qui est c'est un urbanisme encore différent, avec des accès par des terrasses. Donc ce sont des circulations linéaires le long de talus rocheux. On y circule de talus en talus, par des escaliers. Donc c'est encore quelque chose qui est adapté vraiment au paysage de Petra et qu'on ne trouve pas à Aigrin pour le coup. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Leïla Némé, une ville, ça se définit aussi par des monuments publics? Oui, tout à fait. Dans les fonctions de la ville, il y a les monuments publics, civiques. À Petra, il y a des monuments civiques, bien sûr. Même si on ne les connaît pas finalement très bien, et je réfléchis en parlant, en fait, comme monument civique à Petra, en dehors des temples et d'une possible réutilisation civique de ces temples, je ne vois pas grand-chose à citer. À Aigrin, c'est aussi compliqué parce qu'on n'a pas encore trouvé de bâtiment réellement civique. On a du domestique, on a du funéraire, on a du religieux, mais c'est difficile à trouver, les monuments civiques. Il resterait quand même un temple avec toutes les archives à trouver ? Bien sûr, on sait qu'il y a des archives nabatéennes. Par exemple, à Aigrin, il y a des inscriptions qui sont gravées sur les façades des tombeaux. Ces inscriptions sont des documents juridiques. Ce ne sont pas de simples épitaphes. C'est-à-dire, ça dit ceci est le tombeau de un tel, fils d'un tel. Mais ce sont avant tout des documents juridiques qui servent à dire quels sont les ayants droit qui avaient l'autorisation de se faire inhumer à l'intérieur du tombeau. Et un des textes dit que la copie légal, c'est-à-dire que la copie, la véritable, l'original en fait, de ce document, était conservée dans le temple où se trouvent les archives de la ville. Et on a des chances de le trouver, peut-être un jour, si on continue de fouiller. Pourquoi ? Parce que le climat de Aigrin est un climat très très sec. Et ça permet de retrouver, y compris des inscriptions peintes, et on trouve des inscriptions, notamment latines, peintes sur des blocs. On retrouve des fragments de textiles, des cheveux, de la peau sur les os, chose qu'on ne trouve pas du tout ailleurs quand le climat est moins approprié, moins adapté. Justement, Aigrin possède-t-elle une agriculture, une palmeraie, une sorte d'oasis en quelque sorte ? Alors Aigrin est une oasis, et je dirais que même c'est une oasis avant toute chose. Parce que s'il n'y avait pas d'eau, s'il n'y avait pas de moyens de subsistance, il n'y aurait pas pu y avoir de ville. Et justement, Petra, j'ai dit tout à l'heure, s'est installé parce qu'il y avait de l'eau. À Aigrin, c'est aussi parce qu'il y avait de l'eau qu'ils se sont installés là. Il y avait de l'eau parce qu'il y a une nappe phréatique qui est alimentée par tous les wadis, donc tous les cours d'eau non pérennes qui s'écoulent de la montagne. Et cette nappe phréatique, elle était à quelques mètres sous la surface du sol dans l'Antiquité. Il suffisait de creuser des puits pour la trouver. Et c'est ce les nabatéens en ont creusé 130 que nous avons trouvés. Il faut imaginer qu'autour de ces 130 puits, il y avait autant de fermes avec une agriculture fondée sur le système oasien. Et donc, quel est ce système oasien ? C'est un système qui est fondé sur 3 étages, avec un étage supérieur avec les palmiers dattiers qui, eux, donnent de l'ombre aux arbres fruitiers qui eux-mêmes protègent une agriculture basse, je dirais, faite de céréales et de légumineuses. On a même trouvé du coton à Médaïne Salé, à Aigrin. Et du coton, le coton est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau quand même. On a des puits, on n'a pas ce système si original que l'on appelle les kanats, que l'on trouve en Arabie orientale, voire en Iran, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Maghreb, qu'on appelle les fogaras. Alors, il n'y en a pas à ma connaissance à Aigrin, et bon, j'ai quand même beaucoup, beaucoup exploré le site de Aigrin proprement dit, mais il se trouve que j'ai retrouvé un kanat il y a 3 semaines, dans la vieille ville de El Oula. El Oula, c'est la d'une ville qui est à 20 km au sud de Aigrin, qui est elle aussi la capitale d'un ancien royaume qui a précédé les Nabatéens. Et eux faisaient usage de ces kanats. Et j'ai trouvé l'ouverture d'un kanat il y a 3 semaines. Donc il n'y en a pas loin, mais je pense pas à Aigrin. Avez-vous fouillé ces grands tombeaux ? Il faut quand même y revenir. Ces grands tombeaux, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a encore quelque chose dedans, Leïla Némé ? Ça a dû être pillé depuis des années. Oui, la majorité des tombeaux ont été pillés, mais pas tous. L'équipe donc de fouilles de Médaïne Salée, notamment Isabelle Assaché et Nathalie de l'Hôpital, ont fouillé plusieurs tombeaux. Et même un tombeau qui n'avait jamais été ouvert, c'est-à-dire qu'il était caché par une dune. Et comme tout à l'heure Jean-Claude Bessac, on ne trouve que ce qu'on cherche. En cherchant des tombeaux non pillés, on en a trouvé un. Et à l'intérieur de ce tombeau, il y avait encore les 27 inhumés en place dans leur sarcophage, dans leur coffrage en bois, avec tout le matériel associé. Donc ce sont des tombes collectives, des sortes de caveaux familiales. Ce sont des tombes collectives, absolument. Et pour un autre tombeau qui a été fouillé, qui contenait une seule structure funéraire. Donc quand on dit structure funéraire, ça pourrait être un seul caveau à l'intérieur. il y avait 80 individus inhumés. Donc, on doit bien comprendre que ces tombeaux, qui coûtaient cher à leurs propriétaires, étaient extrêmement utilisés. C'est-à-dire qu'on les exploitait au maximum, quitte à faire de la place, à bouger les squelettes, à les mettre dans un coin pour faire de la place pour en mettre d'autres, à rouvrir le tombeau à intervalles réguliers, justement pour inhumer les nouveaux membres de la famille qui décédaient. Et c'était des tombeaux collectifs, mais familiaux avant toute chose. Les corps auraient été enduits d'une sorte de résine ? Oui, alors l'extrême aridité du site a permis de conserver absolument tous les vestiges qui étaient dans les tombeaux. Et l'analyse qui a été faite par les différentes spécialistes qui sont venus travailler sur ce matériel, le textile, les cuirs, les macro-restes végétaux, ont permis de restituer l'ensemble du processus d'inhumation. Depuis la préparation du corps dans la maison du défunt, il était nu, en fait, quand il était enveloppé dans donc d'abord enduit de résine, qui sont à base de gomme arabique principalement et de matière grasse, et ensuite enveloppé dans trois couches successives de tissu. Et le premier tissu qui était donc quasiment au contact du corps était un tissu en laine teint. Il était teint en rouge. Et plus on s'éloigne du corps, donc plus on s'éloigne de la proximité du défunt avec le linceul qui l'enveloppe, et plus le tissu devient grossier. Pour finir, dans un linceul en cuir qui était transporté et amené jusque dans la tombe pour la cérémonie d'inhumation. Vous avez aussi trouvé un émouvant collier de dattes déshydratées. Oui. Alors elles sont déshydratées, c'est-à-dire que, évidemment, elles ne sont plus bonnes à manger. Mais ce qui est extrêmement intéressant dans cette découverte, c'est que les dattes, au moment où elles ont été mises sous forme de collier autour du cou du défunt, elles étaient encore pulpeuses, parce que nous, on a retrouvé le vide autour. Il est évident que c'était une offrande alimentaire et que le défunt pouvait, s'il avait faim, manger les dattes qui étaient encore pulbeuses au moment de l'inhumation. Ça a été une découverte assez émouvante parce que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez peu fréquemment. C'était une première dans le domaine nabatéen. Et j'ajouterais même que cette restitution du processus d'inhumation complet, parce que depuis le décès jusqu'au dépôt du défunt dans la tombe, dans le domaine nabatéen, c'est pour la première fois à Aigrat que ça a pu être mis en évidence. Est-ce que vous avez retrouvé de l'encens à l'image du découvreur en 1876 qui en avait trouvé Charles Duty ? Non, malheureusement, pas d'encens. Il est possible qu'il y en ait au fond des céramiques qui étaient déposées devant les portes d'entrée des tombeaux, mais nous n'avons pas encore fait d'analyse en fait sur ces possibles résidus de fond de poterie qui pourraient révéler, si ce n'est de l'encens, d'autres restes de vestiges des offrandes qui étaient apportées au moment de l'inhumation. On évoque souvent la découverte de Petra en 1812. Il y a aussi celle de 1876 qui est tout aussi invraisemblable. Alors Charles Doughty a redécouvert le site de manière peut-être un peu moins ostentatoire que l'a fait Jean-Louis Burckhardt en 1812 à Petra. Je pense que ça a laissé moins de souvenirs dans l'imaginaire collectif des archéologues. C'est une découverte qui est plus passée inaperçue, je dirais. Et le site, c'est vrai, a été beaucoup moins visité. Il l'est toujours beaucoup moins. On a beau dire que maintenant la commission saoudienne pour le tourisme et le patrimoine national, qui est donc notre partenaire en Arabie pour les fouilles, nous donne des chiffres qui sont de l'ordre de plus de 100 000 touristes par an. Donc c'est énorme. Mais je pense que la redécouverte de Aigrat n'a pas été aussi retentissante que celle de Petra. Près des tombes, il y aurait des interdictions, même des malédictions seraient présentes ? Malédiction, c'est un terme un petit peu fort. Le site, dans la tradition arabo-islamique, est un site sur lequel a pesé un interdit. Je veux dire un interdit, plus qu'une malédiction, un interdit religieux. Pourquoi ? Ça remonte à l'histoire d'un prophète que la tradition place au 3e millénaire avant Jésus-Christ et qui serait venu prêcher aux habitants du lieu le culte du Dieu unique. Les habitants du lieu s'appelant les Tamoudéens à l'époque. Et les Tamoudéens ont refusé de croire en ce Dieu unique, et ont tué la chamelle miraculeuse que le prophète leur aurait envoyée. Et depuis cette époque, il y a un interdit qui pèse, justement parce que le site est réputé pour avoir abrité une population qui a refusé de croire en un Dieu unique. Il y aurait même des sourates là-dessus. Alors il y a une sourate du Coran qui s'appelle la sourate d'Al-Hijr, et Al-Hijr en arabe est simplement une transposition du nom du site Aigrat, avec l'article arabe qui est al et l'article araméen qui est le a, donc al-hijr, c'est la même chose exactement que egra, avec l'article sur un mot à la fin et en arabe au début. Donc il y a une sourate du Coran qui s'appelle al-hijr, effectivement, et qui relate cette tradition du prophète Salé, d'où le nom également de Médaïn Salé, qui veut dire simplement les villes de Salé, donc les villes du prophète Salé. Que sait-on sur les dieux nabatéens ? Les dieux nabatéens, alors ils sont nombreux, effectivement, la religion nabatéenne appartient à la grande famille des religions de l'Arabie pré-islamique. C'est le culte des idoles, fondé sur le même culte des idoles qu'à la Mecque, à l'époque pré-islamique, avec néanmoins un dieu principal qui est le dieu Dushara. Et Dushara, étymologiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui du Shara. Dushara. Shara étant la montagne qui est à côté de Petra. Donc on voit bien que c'est un dieu, une dénomination que l'on peut appeler topique, c'est-à-dire d'un dieu lié à une région. Et lié à une région qui est celle de la capitale nabatéenne. Et tout autour de ce dieu principal, il y a un certain nombre de dieux comme Allah, Tel Uzza, mais aussi des dieux empruntés au monde syrien, Baal Shamin, le dieu des cieux, ou encore des dieux empruntés au monde égyptien, Isis, Osiris, et j'en passe. Reste l'épigraphie nabatéenne. Très beau sujet, vous avez réussi à voir le passage donc jusqu'à l'écriture arabe ? Oui, alors c'est un petit peu en raccourci comme question. C'est-à-dire que l'épigraphie nabatéenne, elle existe pour elle-même, mais chacun peut trouver midi à sa porte. Et c'est vrai que, pour moi, un des intérêts de l'épigraphie nabatéenne est que l'écriture nabatéenne est celle qui, en évoluant, va aboutir à l'écriture arabe. Ça ne fait absolument aucun doute. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que l'arabe est finalement le dernier avatar ou le dernier développement de cette écriture nabatéenne. Et elle se développe, cette écriture nabatéenne, à la faveur de principautés arabes qui, justement, sont présentes dans le nord-ouest de l'Arabie, à partir du moment où les Romains s'en vont. Ce sera une écriture prestigieuse, elle sera absolument sans voyelle ? Oui, elle est sans voyelle. Alors, prestigieuse est un élément essentiel de la définition. Pourquoi ? Parce que les Arabes qui sont des locuteurs de l'arabe, c'est-à-dire qui parlent arabe dans l'Antiquité et à partir du 3e, 4e siècle, avaient besoin pour leur chancellerie d'une écriture de prestige. Et ils n'allaient donc pas aller chercher l'écriture des nomades, Tamoudéens ou Safaïtiques ou d'autres, ils avaient besoin de cette écriture de prestige qui existait encore, qui était encore présente et qui est le Nabatéen, associé à un royaume arabe prestigieux, connu encore et donc tout indiqué pour être utilisé pour une écriture qui allait devenir celle qu'on connaît. Leïla Némé, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Éric Boisset et avec bien sûr la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14 sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr.